Chapitre 5e. Si l'on examine une carte de l'Inde datant de 50 ans environ, on remarque, dans la région qui s'étend entre l'Orissa, commençant à Cuttack, aux bouches de Mahanadi, le Gondwana proprement dit et le Bérar, une chaîne de montagnes, puis d'assez vastes espaces ne portant que cette indication, qu'on retrouvait d'ailleurs à la même époque sur les cartes de l'Afrique centrale, pays inexploré. C'est que, en effet, lors de la conquête, les Anglais, plus pressés d'exploiter les contrées riches que de faire pénétrer partout la civilisation, préférant aussi vendre au Maharaja une ombre de pouvoir à un prix très élevé, reculant devant tout sacrifice qui ne leur promettait pas un bénéfice d'argent immédiat, avaient dédaigné ces plateaux qu'on leur disait habités par une race sauvage, difficile à soumettre, dénuée de toute richesse, vivant des produits de la terre ou de la chasse. C'étaient les Kounds. À quoi bon les troubler dans leur quiétude, puisque l'expédition ne devait rien rapporter? On s'était contenté de traiter avec quelques chefs de district qui se prétendaient investis d'un pouvoir souverain. Le tribut prélevé et régulièrement payé, qu'importaient les mœurs de ces inconnus? Peu à peu, cependant, le bruit s'était répandu que cette région invisitée était le théâtre de crimes sans nom, que la tradition des sacrifices humains s'y était conservée, et que dans des fêtes où l'ivresse centuplait les fureurs du fanatisme, des victimes étaient immolées au milieu des plus horribles tortures à des dieux féroces, Tado Peno, le dieu de la terre, Manuk Soro, le dieu rouge des batailles. Non seulement des êtres humains périssaient dans d'affreuses agonies, mais les Kounds se partageaient entre eux les membres palpitants et les enterraient dans leurs champs pour y attirer les faveurs célestes. Pour se procurer ces victimes, il n'était pas de moyen qu'ils l'employassent, la ruse, la violence. Leurs émissaires pénétraient dans les villages et y réalisaient d'infâmes marchés auxquels des misérables, démoralisés par la misère, consentaient en livrant leurs enfants à ces bourreaux en quête de chair humaine. Parfois, s'ils avaient jeté leur dévolu sur quelque enfant qu'on ne voulait pas leur abandonner de plein gré, ils trouvaient moyen d'anéantir les volontés à l'aide de drogues stupéfiantes, offertes comme des remèdes ou des liqueurs bienfaisantes, et tandis que le père et la mère étaient engourdis dans un sommeil de plomb, l'être convoité était emporté. Le meurtre, d'ailleurs, n'était pas immédiat. Les Kounds pratiquaient l'élevage de leur bétail humain, attendant peut-être qu'il eût pleine conscience de la vie pour lui donner la mort. L'opinion publique s'était émue en Angleterre. Le nom de ces victimes, qu'on appelait des Mérias, avait servi de thème aux prédications, aux appels des philanthropes, et une expédition avait été décidée sous la direction du major-général John Campbell. Des palabres avaient été tenues, des serments avaient été échangés, des Mérias, jeunes hommes et jeunes filles, avaient été délivrés. Donc, toute satisfaction avait été donnée aux sentimentaux, puis on avait pensé à autre chose. En vérité, si la majorité des tribus Kounds avaient sincèrement renoncé à ces abominables coutumes, il n'était pas réel qu'elles fussent définitivement et à jamais abolies. Des repères existaient encore au plus profond des solitudes, sorte de sanctuaire du fanatisme sanglant, révéré par ceux-là même qui semblaient s'être soumis, mais qui conservaient encore empreinte en eux la terrible superstition de leurs ancêtres. Et ces derniers refuges de mort étaient d'autant mieux protégés maintenant que nul ne les eût dénoncés. Révélés aux Européens, ces lieux sacrés eût été tenus pour la plus vile des trahisons et la mort eût puni le coupable. L'autorité, satisfaite d'avoir assuré son pouvoir apparent dans ces régions mystérieuses, se désintéressait maintenant, et c'est à peine si quelques hommes, comme Sir William Lewis, élevaient encore la voix pour réclamer, au nom de l'humanité, l'abolition décisive de ces sacrifices. Il eût existé un seul moyen d'arriver au but recherché, c'eût été de ne pas borner les bienfaits de la conquête européenne à la perception des tribus financiers, et de se préoccuper surtout d'éclairer la conscience des vaincus en y faisant pénétrer des lueurs d'humanité et de justice. Mais l'Angleterre n'a pas de ces fantaisies civilisatrices. L'Inde est la grande exploitée, l'âme du peuple n'existe pas pour elle. C'est ce qu'expliquaient des Noirs, cette nuit-là, à ses deux amis de France, leur exposant d'une voix frémissante l'abaissement systématique dans lequel étaient tenues les populations hindoues. « Oh, mon peuple » s'écriait-il, « mon beau et noble peuple, toi qui reçus à l'origine des temps la sublime révélation de Gautama Bouddha, toi qui possèdes dans le Rig Veda dans le Bhagavad Gita les plus admirables enseignements qui jamais aient été donnés aux hommes, qu'ont fait de toi ces concurrents avides et brutaux. Au lieu de t'appeler vers l'avenir, ils t'ont repoussé dans le passé, et les brahmanes, exploiteurs de la stupidité humaine, les ont aidés dans leur œuvre de démoralisation. Tes princes se sont vendus pour quelques guinées, et aujourd'hui, l'ignorance, la malpropreté, la résignation fataliste accomplissent leur œuvre. Les deux Français écoutaient en silence ces paroles passionnées, et une angoisse leur serrait le cœur. Car depuis 12 jours qu'ils chevauchaient aux côtés du Saint-Galais, ils avaient appris à connaître cette âme profondément juste, ouverte à toutes les grandes aspirations, surtout si désintéressée que pas une fois ils n'avaient pu surprendre en cet homme la trace d'un désir personnel. Après le désastre de Westminster Lodge, il avait par un prodige d'activité organisé en quelques heures l'expédition nécessaire. 12 hommes avaient été réunis, 12 hindous de Gomsour, robustes et dévoués, sous la conduite d'un Chela, c'est-à-dire d'un élève de Denwar, qui était lui-même un des plus hauts initiés des mystères de Ceylan. Montés sur des chevaux petits et nerveux, habitués aux régions montagneuses, la petite troupe s'était lancée à la poursuite des ravisseurs de Sanda. Grâce à son ascendant, basé sur le renom de vertu dont il était entouré, car certains prétendaient, malgré sa résistance, honorer en lui un saint, un yogi, prêt à pénétrer dans le nirvana, il avait pu obtenir des renseignements précis. Les panous avaient été suivis à la piste. Les banjaris, bohémiens nomades, les avaient rencontrés. Un de leurs naïcs, un de leurs chefs, avait affirmé avoir vu la jeune fille étroitement garrottée et emportée sur le dromadaire de leur chef. Sanda était vivante. D'ailleurs, n'était-il pas certain que ces fanatiques ne poursuivaient qu'un but, c'était de jeter la victime au pied de l'autel de leur dieu. Donc ils ne toucheraient pas un seul cheveu de sa tête avant d'être parvenus dans leur solitude, là où le sacrifice sanglant, pour être agréable à la divinité funèbre, devait être accompli avec tous les rites usuels. La question se réduisait donc à ceci, gagner les bourreaux de vitesse et arriver avant que le crime fût perpétré. Et ils allaient toujours plus vite, sans ressentir la fatigue qui brisait leurs membres. Ils approchaient. Déjà, ils avaient franchi les limites du Khandistan et avaient rencontré auprès de quelques rajas, titre bien orgueilleux pour les seigneurs miséreux qui s'emparaient, quelques indications précieuses. D'après les renseignements que Denwar avait recueillis et qui servaient de point de départ à son enquête, il n'était pas douteux maintenant que les ravisseurs de Riasanda appartinssent à une petite tribu, réfugiée sur la frontière du Boad et qui seule peut-être aujourd'hui dans tout le Khandistan perpétuait les atroces coutumes de l'égorgement rituel. Mais ces tribus, les China, avaient ajouté le Sanador, le chef de district, qui répondait aux questions de Denwar, se compose d'un millier d'hommes, d'une force herculéenne et d'une férocité implacable. Nul n'oserait se hasarder dans la profonde vallée, que surplombent des rochers inaccessibles dont ils ont fait leur repère. Là seulement se célèbre le culte du dieu rouge, protecteur de leur indépendance, dispensateur de tous les biens du ciel et de la terre. Et le Sanadar avait ajouté en frissonnant « Le dieu rouge est puissant, il se venge, et peut-être moi-même vous en ai-je déjà trop dit. » La petite troupe était repartie, galopant sans trêve vers le nord. Il avait fallu gravir des hauteurs escarpées et accomplir de véritables prodiges, mais nul ne faiblissait. Il semblait que Denwar fût investi d'un pouvoir surhumain. Sa voix grave et mélodieuse réconfortait les plus las. Lui-même ne connaissait pas la fatigue. C'était une âme d'apôtre dans un corps de fer. La nuit, il ne dormait pas, se tenant à l'entrée du camp, l'oreille au guet, les yeux fixés sur le ciel. Et le matin, dès que paraissaient les premières lueurs du jour, il chantait, de sa voix aux accents purs et profonds, l'hymne de Praskawa. Fille du ciel, aurore, brille de ton doux éclat. Par tes rayons, chasse nos ennemis et triomphe de la haine. Viens comme une bonne mère de famille. Protégez le monde, et sois le guide et l'introducteur du soleil qui, en montant au haut du ciel, détruira le mal à jamais. » Tous venaient se grouper autour de lui. Avec une admirable précision, il disait la route à suivre, réveillait les espoirs, mettait chacun en garde contre les embûches. Cette nuit-là, les Noirs, après avoir placé les sentinelles, s'étaient éloignés en éclaireur. Il était rentré au camp un peu après minuit, et était venu réveiller les deux Français qui dormaient tout habillés, l'arme à portée de la main. « Amis, leur avait-il dit, l'heure de la lutte approche. » Tous deux, avec un cri de joie, avaient bondi sur leurs pieds. « Que savez-vous? Qu'avez-vous découvert? Vite, vite, parlez !» Le Cingalais dirigea sa main vers le sud. « À 10 000 d'ici se trouve le grand village des China. Les ravisseurs de Riasanda ne nous ont précédés que de quelques heures. Dans la forêt qui est de la hauteur où nous nous trouvons, des balbères la vallée, j'ai relevé des traces fraîches qui ne me laissent aucun doute. Et d'ailleurs, ne connaîtriez-vous pas ceci par hasard? » Et l'hindou présentait à Lucien un cordon de soie auquel adhérait encore un lambeau d'étoffe. Lucien poussa un cri. « Oui, je connais cela, » s'écria-t-il. « Ce cordon attaché au bras de la chère enfant, la manche relevée vers le coude. » « Donc je ne me suis pas trompé. »« Ah, je puis vous l'avouer maintenant. Je doutais parfois que nous fussions sur la bonne voie. » Certes, tous les renseignements recueillis semblaient concorder ensemble. Mais nos pauvres hindous, abattis par la domination, cherchent surtout dans leurs réponses à satisfaire ceux qu'ils craignent, et souvent j'ai douté de leur sincérité. C'était à ce moment qu'emporté par l'angoisse patriotique qui lui serrait le cœur, des Noirs avaient prononcé les paroles que nous avons rapportées. Puis, s'arrachant à la préoccupation qu'il jugeait presque égoïste en un pareil moment, il avait repris, en s'adressant aux deux jeunes gens, « Votre témoignage, heureusement, fait évanouir mes derniers doutes. La pauvre Riasanda n'est plus qu'à une courte distance de nous. »« Allons, » s'écria Lucien, « pas une minute à perdre. Nous sommes prêts. » « Ne compromettons pas notre expédition par quelque imprudence, » dit des Noirs. « Jusqu'ici, vous avez bien voulu écouter mes conseils. » Promettez-moi de les suivre jusqu'au bout. À cette heure, la chère enfant ne court aucun danger, car jamais sacrifice n'a lieu la nuit. Le dieu rouge veut jouir de la couleur du sang, et c'est au plein soleil que s'accomplit l'œuvre de mort. Nous avons donc tout le temps de descendre dans la vallée et d'étudier les conditions de notre intervention. « À quoi bon ces hésitations ? » cria Lucien, que l'attente exaspérait. « Nos armes sont sûres, notre cœur est sans peur, ruons-nous sur ces misérables et arrachons-leur la victime. Vous oubliez que la tribu des China comprend plus de 300 guerriers fanatiques, qui voient dans leur propre mort un sacrifice agréable à leur divinité. Nous sommes 16, 15 devrais-je dire, puisque je suis désarmé, et pourtant je vous le dis, c'est moi qui vous rendrai la chère enfant, délivrée et vivante. Encore une fois, ayez confiance en moi, le voulez-vous ? Lucien ne répondait pas, il frémissait d'impatience. « Ami, lui dit Pierre, notre devoir est tout tracé. Sans des Noirs, qu'aurions-nous fait jusqu'ici? Nous aurions erré à l'aventure, et à l'heure qui sonne, Riasanda serait morte. » Et sur un geste de son ami, il reprit plus vivement. « Ah, je te comprends bien. Ce qui te dépite, c'est que tu voudrais qu'elle ne dût son salut qu'à toi et à toi seul. C'est par grande affection, mais à vous, ajouta-t-il avec un sourire, que cela ressemble terriblement à de l'égoïsme. « Tu as raison, » s'écria Lucien, « mais il faut me pardonner, car jamais peut-être un homme n'a subi les tortures que j'éprouve. Songez-y donc, j'ai toujours devant les yeux une terrible vision, Sanda, la douce Sanda, tombant sous l'âge de ses bourreaux et dans un regard d'agonie entrevoyant encore le sentier par lequel, jusqu'à la minute suprême, elle m'aura attendu. Oui, oui, je vous comprends, » dit des Noirs, et je ne vous accuse pas. Je fais seulement appel à votre raison, à ces sentiments d'affection et de dévouement dont vous êtes pénétrés. Je reconnais en vous l'âme généreuse des Français, mais je vous en supplie, pas de faux amour-propre, pas de vanité petite et dangereuse. Il y va de la vie de celle que vous dites aimer. Encore une fois, je vous en conjure, jurez-moi que vous m'obéirez jusqu'au bout. Certes, c'était pour le jeune homme un véritable sacrifice, que d'enchaîner ainsi sa liberté, alors qu'il sentait bouillonner la colère dans sa poitrine. Mais cette raison à laquelle des Noirs avaient fait appel enfin triompha. « Je me soumets, » dit Lucien avec un soupir, « j'obéirai. Vous avez, vous autres Français, une formule de promesse, à laquelle je ne sache pas que l'un de vous ait jamais manqué. Donnez-moi votre parole d'honneur. « Je vous la donne, » dit Lucien d'une voix grave. « À l'œuvre maintenant, » dit des Noirs. L'œuvre de salut va commencer. » En un instant, les hindous furent éveillés par leur chef et la petite troupe, entraînée par quelques paroles de des Noirs, se mit en marche. Deux hommes avaient été laissés sur le plateau avec mission de garder les chevaux dont l'expédition n'emmenait qu'un couple, résolution qui avait pour mobile premier la grande difficulté qu'on devait avoir à guider ces animaux sur une pente presque à pic. La nuit était profonde. Des noirs allaient en avant, étudiant la route, tournant les obstacles, déployant à chaque pas une habileté nouvelle. Parfois, il ordonnait qu'on s'arrêtât et, se glissant sur la pente déclive d'une roche qui surplombait la vallée, il examinait, comme si ses yeux eussent percé les ténèbres, la route possible. Puis il revenait et donnait des instructions, rapidement, à voix basse. On avançait, en s'accrochant au tronc des arbres, en se retenant à toutes les anfractuosités du sol. Parfois, une lourde pierre se détachait en roulant sur les flancs de la montagne. Alors, des noirs commandaient la halte et tous restaient immobiles, la respiration suspendue. Le bruit s'éteignit. Nul signe n'indiquait que la défiance des Chinas fut éveillée et la descente commençait. « La chance nous favorise, » dit le Cingalais à nos amis. « Le jour commence à poindre et il serait à craindre que les yeux perçants de nos ennemis découvrissent notre petite troupe. Or, voyez au-dessous de nous cette ligne noire. C'est une sorte de muraille schisteuse qui contourne le village. Mes yeux, habitués à l'obscurité, voient un étroit sentier qui l'allonge. Par là, nous allons pouvoir arriver sans être aperçus jusqu'au cœur de la place. » « Et alors ?» fit Lucien, fusil au poing, « et en avant. Et alors ?» interrompit l'hindou en appuyant sa main sur son bras. « Plus que jamais, patience et obéissance, n'oubliez pas que vous m'avez donné votre parole d'honneur. » Ils s'engagèrent dans le défilé.